Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église à Bilingue avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la belle église, pour commencer la branche d'Abelépé où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements loin et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. À tes pieds, c'est là où je veux être. Je me sens si bien avec toi. C'est plein de bonté, saisi par ta splendeur. Ta douceur, Seigneur, me rapproche de toi. Je suis amoureux de toi, Abba Père. Je suis amoureux de toi, Dieu. Mon cœur est bas pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, Dieu. Émerveillé que tu me connais, je n'aurais plus à chercher. Il y a ce profond désir qui brûle comme du feu de te savoir comme mon meilleur ami. Je suis amoureux de toi, Abba Père. Je suis amoureux de toi, Dieu. Mon cœur y bat pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi, Dieu. Jésus, je suis amoureux de toi, Dieu. Dieu mort et rédempteur, ton sang coule dans mes veines. Mon amour pour toi est plus profond qu'il était auparavant. J'ai passé les épreuves, t'y vis par ta grâce. Amoureux de toi, Dieu. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Fermez les yeux, priez ce matin. Alors que sa parole vient, je prie que le Seigneur transformera ta vie ce matin. Il dit qu'il envoie sa parole pour guérir. Il envoie sa parole et sa parole ne retourne pas à lui. La parole accomplit un dessein. Ce matin, cette parole accomplira un dessein dans ta vie. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, merci pour ta parole qui est puissante, ta parole qui est pour nous sauver, pour nous changer, pour nous bénir, Seigneur. Bénis nos voix, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que nos vies soient transformées, que nos vies soient renouvelées, que nos vies soient bénies ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié. Merci. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, je suis content de vous voir tous ce matin. Alléluia. Et je pense que le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, j'ai un petit message. Alléluia. Que je pense que j'ai commencé le jeudi passé. Alléluia. C'est quoi anakazo? C'est quoi anakazo? C'est quoi biazo? Et c'est quoi anadea? Alléluia. Anakazo, c'est N-A-A-N-A-G-K-O-Z-A. Z-O, sorry, anakazo. Hein? N-A-A-N-A-G-K-A-Z-O, anakazo. Alléluia. Et puis on a biazo. Biazo, c'est B-I-A-Z-O. Biazo. Et puis anadea. Anadea, ça veut dire A-N-A-D-E-I-A. Anadea. Alléluia. Ce ne sont pas des incantations. Alléluia. Ce sont des mots grecs qu'on va voir tout de suite dans la Bible. Alléluia. Ce sont des mots grecs qui se trouvent dans la Bible et qui nous enseignent beaucoup de choses. Hein, qui nous montrent les mots lesquels on peut apprendre beaucoup de choses pour guider nos vies. Alléluia. Donc, anakazo, biazo et puis anadea. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Yeah. Ces mots, je pense que Dieu veut que l'on comprenne certaines choses dans nos vies. Alléluia. Et parce que tu vois, dans ce monde, il y a certaines choses qui ne bougent pas, si tu ne les bouges. Ou bien, il y a certaines choses qui ne vont pas marcher, si tu ne fais pas un peu d'effort. Si tu restes juste là, les choses ne vont jamais marcher. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on va lire un peu quelques passages. Dans Luc 14, verset 16, je pense. Luc 14, verset 16. Alléluia. Luc 14, verset 16. Est-ce qu'on peut voir notre verset de la semaine? Avant de lire ce verset. Notre verset de la semaine. OK. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Chaque semaine, on a un verset à méditer, à mémoriser, et puis à méditer. Alléluia. Amen. Yeah. La réalité que on a la difficulté à avoir, à mémoriser un verset par jour. Ou bien, c'est la réalité. Donc, c'est plutôt pour surmonter ça, on a juste un verset. Chaque jour, tu médites, et puis ta vie va changer. Alléluia. Un verset, 2 Corinthiens 13, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Hein, vous êtes là? On peut mémoriser? On peut mémoriser? C'est possible. Yeah. Yeah. On va voir tout de suite que la personne qui pratique anakazo ne dit pas non. Yeah. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Yeah. Ton ami dit c'est pas possible, il dit c'est possible. Yeah. Je peux mémoriser. Je peux. Je peux. Yeah. C'est l'homme d'Anakazo. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 5, on lit ensemble. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez pas que Jésus-Christ est en vous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même que Jésus-Christ est en vous. À moins peut-être que 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. Une fois encore, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 5, 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ, à moins peut-être que vous ne soyez retrouvés. 2 Corinthiens 13. On peut fermer la Bible maintenant. On peut fermer. Qui dit on ne peut pas fermer? Oh. Ok, pour une dernière fois, lis. Pour une dernière fois, 2 Corinthiens 13, 5. connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez retrouvés. Le Corinthiens 13. Est-ce qu'on peut fermer la Bible maintenant? Ok, fermez. Je vais regarder la bouche des choristes, des choristes. Ok, 2 Corinthiens 13, 5. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Dans cette semaine, tu peux méditer ce verset et tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas déjà te demander, poser la question, est-ce que je suis dans la voie? Parce qu'à un moment donné, il y a avec les difficultés, les réalités de cette vie-là. Parfois, on a tendance à quitter la foi, à faire autre chose, à virer, aller quelque part. Alléluia. Et tu vas apprendre beaucoup de choses et le Seigneur va te bénir. Alléluia. Dans ce matin, Luc chapitre 14, verset 16. Luc 14, verset 16, je pense. OK? Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans la place et dans les rues de la ville. Amen. Ici, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Alléluia. Il y a encore de la place. Et regardez un peu verset 23 qui dit, le maître dit quoi? Verset 23. Va dans les rues. Et le maître dit au serviteur, va dans les rues, dans les chemins, le long des haies. Hein? Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Yeah. Verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Amen. Le mot, il y a un mot, contraindre. C'est le verbe, contraindre, c'est ça? Il y a contraint. C'est le mot anakazo. Alléluia. Anakazo, contraint-les. Alléluia. Dans cette vie, bien dans l'église, comme un chrétien, on doit contraindre. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Contraindre. On doit, anakazo veut dire contraindre. Alléluia. Contraindre. Et il y a ce livre que tu peux acheter pour lire un peu. Tu vas bien comprendre le sujet. Alléluia. Contraindre. Qu'est-ce que cela veut dire? Obliger. Alléluia. Yeah, obliger. Obliger. Obliger. Hein? Imposer. Forcer à tout prix. Hein? Par la force physique, par les menaces, par la persuasion et par les supplications. Yeah. Yeah. Alléluia. Les francophones n'aiment pas ces mots que je viens de d'énumérer. Yeah. On n'aime pas ce mot. Forcer. Alléluia. Ce sont les mots qu'on n'aime pas. Forcer, imposer. Je ne veux pas imposer. Mais on lit dans la Bible, contraignez-les. Contraignez-les. Contraignez-les. Forcez-les. Alléluia. Imposer. Ah. Nous sommes dans un monde d'évangélisation. Et si on est contraint par les gens, ne vont pas venir. Alléluia. Yeah. Et je dis même les membres de l'église, ceux qui sont déjà là, ont besoin d'un encadrement. Ceux qui sont déjà là, pas même les gens qu'on demande de venir, non. Même toi, tu as besoin de anakazo. Alléluia. Tu as besoin de anakazo. Tu as besoin de forcer toi-même. Tu as besoin d'imposer des choses sur toi-même. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Tu as besoin de faire quoi? D'obliger toi-même. Alléluia. Hein? Regarde ton voisin. Les gens n'aiment pas regarder leur voisin. Oh, on est des amis, nous. On est des frères. Regarde ton voisin un peu. Alléluia. Wow. Vous voyez, nous sommes dans un moment de vie, bien dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de servir Dieu. Et si on ne force pas, on peut pas servir Dieu. Là. Alléluia. Si on ne force pas, on peut pas servir Dieu. Si on ne dit pas, je peux le faire, on peut pas mémoriser le verset. Tu lis le verset une fois, tu dis, ah non, ce verset-là, je ne peux pas mémoriser. Alléluia. Ça, c'est, tu n'es pas le fils de Dieu. Tu dois t'examiner si tu es dans la foi. Tu as foi. Est-ce que tu as foi? Alléluia. Tu dois t'examiner. Hein? La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Donc, anakazo. Contrainte. Tu dois te contraindre. Tu dois te persuader. Tu dois te menacer. Hein? Pas menacer. Hein? Tu dois imposer. Tu dois forcer à tout prix. Parce que quoi? Les gens sont entrés dans l'enfer. Alléluia. Les gens sont entrés dans l'enfer. Beaucoup boivent, sont en train de boire, sont en train de réjouir sur la voie de l'enfer. Beaucoup. Même aujourd'hui, les gens sont en train de faire la même. Même hier, même la nuit là, les gens sont en train de se préparer. Les gens sont sur sont dans la réjouissance sur la voie de l'enfer. Donc, si tu ne te forces pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Yeah! C'est pourquoi il y a contraint-les. Le gars qui a organisé le grand, voilà. Il a organisé la fête. Il a invité les gens. Alléluia. C'est l'église, c'est Dieu qui organise. Il a organisé l'église. Venez, on va manger ensemble. On va manger, on va écouter la parole ensemble. On va nous préparer pour le ciel ensemble. Et les gens ne veulent pas venir. Donc on doit les contraindre. Alléluia. Et toi, tu dois te contraindre. Tu dois te contraindre. Alléluia. Tu dois utiliser anakazo pour venir à l'église. On va parler de pourquoi anakazo. Mais je vais expliquer d'abord biazo et puis anadea. Biazo, c'est quoi? Hein? Matthieu 11. C'est dans la Bible. Matthieu 11. Matthieu 11. Alléluia. Amen. Yeah. Matthieu 11. Verset 11. Matthieu 11, verset 11. OK? Vous êtes là. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que cela veut dire, qui s'en emparent? Le français. Qui s'approprie? Qu'est-ce que je veux dire, qui s'approprie? Qui prennent possession? Ce sont les violents. Alléluia. Ce sont ceux qui, qu'est-ce que cela? Biaso veut dire, tu te forces à entrer dans le royaume des cieux. Tu te forces, tu fais des efforts. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens sont très, je sais pas, c'est la paresse. On a peur. On se laisse. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens se laissent comme ça. Tu ne veux pas te forcer dans le royaume. Dans le royaume, beaucoup de bénédictions. Tu ne peux jamais avoir certaines bénédictions sans la force. Voilà. Vous comprenez ce que je dis? Bien, vous ne comprenez pas le français, mon français. Ok, il n'y a pas de problème. Se forcer pour entrer dans quelque chose, bien. La force, tu te forces, tu utilises la force. Alléluia. Et ça a relation avec Anakazo forcé. Ce sont les violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tu ne fais pas d'effort, tu ne peux pas entrer dans le royaume des dieux. Waouh! Pour venir à l'église, mais c'est pas facile. Tu dois faire beaucoup d'efforts. Ou bien, pour te lever ce matin pour venir ici à 7 heures. Beaucoup d'efforts. Mais l'homme de Biaso vient d'Anakazo n'est pas. Ne se laisse pas emporter par le doux sommeil. Tu le lis dans Accra, la cité d'Accra, dans le quartier d'Aladjo bien de Abeka, la fraîcheur du matin. Non. L'homme d'Anakazo se lève. L'homme de Biaso se lève et dit, non, je vais à l'église. Je fais ce qui est important. Alléluia. Parfois, ça m'étonne. Les gens viennent, tu as quitté le pays pour venir à l'église, tu as venir à Accra, et tu ne veux pas apprendre. On a payé beaucoup d'argent pour toi, et tu ne veux pas apprendre. What? What? What a shock. Si tu ne fais pas d'efforts, tu vas échouer à Accra. Tu vas partir les mains comme ça. Yeah. Wow. Est-ce que vous êtes là? Donc, Biaso, le monde. Tu vois, le monde, Biaso et Anakazo. Yeah, le monde nous montre. Biaso. Tu vois, l'alcool. On fait la publicité. Avec force. Avec passion. Mais l'alcool a détruit les mariages, l'alcool a détruit les foyers, l'alcool a tué dans les accidents, l'alcool a fait beaucoup de choses, les gens, la drogue, les gens sont devenus fous, les gens font des bandits, des braqueurs, détruit la société. Mais ils font la publicité avec force. Ils font la publicité avec force. Et tout le monde est content de cette publicité. On regarde cette publicité chaque jour. Et toi, chrétien, tu ne veux pas utiliser la force. On est timide. Chrétien, mais partager la parole, même, c'est un problème. Toi-même, tu ne crois même pas. Hein? Les gens te disent, ne viens pas à l'église, et puis tu écoutes, tu es là. Ok, c'est vrai ce que tu dis. Hey, tu peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu vas périr dans l'enfer. Tu vas périr dans l'enfer. Sans Biaso, sans Anakazo. Yeah. Quelqu'un vient dire, tu enlèves tes pantalons. Tu veux enlever les pantalons. Enlève la jupe. Tu veux enlever la jupe. La personne veut toucher un truc là. Tu le laisses. Tu ne veux pas utiliser la force. Tu arrêtes, arrête ce que tu es en train de commencer. Hey! Arrête ce que tu es en train de faire. Fais ce que tu es en train de faire. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Fais ce que tu es en train d'arrêter. Yeah? Yeah? Yeah. Ceux qui étaient là comprennent l'histoire. Alléluia. Non, tu ne peux pas dire ça. L'homme d'Anakazo de Bias ne fait pas ça. Tu sais ce qui est bien, c'est bien pour toi. Hein? On a parlé de l'enfer. L'enfer est réel. Yeah. Il faut aller demander les scientifiques russes qui ont creusé la terre pour aller dedans, pour voir ce qui est sous la terre. Et la chaleur était 2000 degrés de chaleur. Ils ont entendu la voix des gens qui criaient, yeah, qui étaient tourmentés du temps. Yeah. Faut aller lire toi-même. Et on est en train de blaguer, de s'amuser. On est en train de danser pour aller dans l'enfer. Sans Anakazo et sans Biazo. Wow. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Lorsque je vois les gens qui, dimanche matin, je dors un peu, je suis fatigué. Ah, il y a quelque chose qui manque. À partir d'aujourd'hui, toi, tu ne manqueras jamais d'Anakazo et de Biazo. Même dans tes études, ta vie personnelle, les choses ne vont jamais bouger. Hey, là où je travaille, si tu ne dis pas Anakazo, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parfois, je dois passer toute la nuit pour finir un projet, un rapport, quelque chose, juste pour finir. Et puis le lendemain, je vais aller au boulot. Si je ne suis pas à Biazo ou à Anakazo, je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? C'est dans toute la vie. Si tu veux réussir dans cette vie, tu as besoin d'Anakazo, tu as besoin de Biazo pour te forcer, pour finir ce projet, pour finir d'apprendre, pour passer l'examen. Pour passer l'examen, tu as besoin de Biazo. Tu dis, moi aussi, je vais passer cet examen. Je vais apprendre. Si c'est même ne pas dormir cette nuit-là, je vais apprendre. Je vais passer l'examen. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans cette vie, ceux qui réussissent sont ceux qui utilisent la force. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui est béni, qui réussit dans cette vie. Quand la personne a croisé la main comme ça, et puis, non. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Anadéa, c'est dans la Bible. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 8. Amen. Wow. Je ne sais pas si vous aimez ce que je dis. Luc chapitre 11, verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Amen. Yeah. À partir du verset 5, pour comprendre la fin, ça c'est la fin d'une parabole. Hein? Verset 5. Luc chapitre 1, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répondait, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, verset 8, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Dans ce passage, on a homme importune et puis importunité. Alléluia. C'est ce mot qui est traduit en grec Anadea. Alléluia. Amen. Anadea. Qui veut dire quoi? Sans gêne. Sans honte. Tu n'es pas gêné. Tu n'as pas de honte. Alléluia. Un chrétien ne doit pas avoir honte. Un chrétien ne doit pas être gêné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Avec Anadea, tu peux avoir beaucoup de choses. Tu n'as pas honte. Amen. Tu n'as pas de honte de prier en langue. Les gens ont honte de prier en langue. Les gens ont honte de demander. Tu as faim, tu ne veux pas demander. Tu vas mourir. Ton voisin est en train de manger, il y a beaucoup, mais on dit, moi je suis de la famille là, donc on ne demande pas. Non, on ne demande pas. on ne demande pas un Ghana City. Tu vas mourir de faim. Yeah. Anadea. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, pourquoi Anakazo? Ou bien Biazo? Ou bien Anadea? Yeah. Pourquoi? Alléluia. Amen. Yeah. Pourquoi? Bien, comment pratiquer Anakazo? Je pense que j'ai pas beaucoup de temps. Ce matin. Wow. Pourquoi Anakazo? Ou bien Anadea? Yeah. L'homme d'Anakazo. Ok? L'homme d'Anakazo surmonte les excuses. Surmonte les excuses. Ce matin, beaucoup ont donné d'excuses. Et ces excuses sont vides. Là, excuses vides. Là. Hier, j'ai reçu un test là, j'ai lu, ah, ça là, c'est une excuse vide. C'est pas vrai. Je me suis dit, c'est pas vrai. Dans l'histoire de l'homme là, combien de personnes ont donné des excuses? 3 personnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir cette histoire-là? Hein? Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. C'est très important. Regardez un peu. Et puis on va partir. OK? Un homme donna un souper, un grand souper, et invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoie son serviteur, dit, ose convier. Venez, car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Wow! Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas trompés par quoi? Par le groupe. Il dit tout unanimement. Tout le monde. Alléluia. Lorsque tu es dans un groupe, tu seras facilement trompé. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Mais la plupart des temps, lorsque je vais inviter quelqu'un, j'invite la personne, je parle à la personne seule. Lorsqu'ils sont 4, je vous invite, venez à l'église. Donc, le monde, non, moi, je ne vais pas à l'église. Ça va influencer les autres, même s'ils veulent venir. Unanimement, tout le monde a commencé à donner une excuse. Donc, ne sois pas trompé. Dieu traite avec nous individuellement. Yeah. Tu es né seul. Même les jumeaux ne viennent pas même moi. Il y a quelques secondes, mais il y a quelques minutes, leur naissance. Ou bien, yeah, on est individuel. Dieu, la Bible dit que tu vas comparaître seul devant le tribunal de Dieu. Donc, ne sois pas trompé dans le groupe dans lequel tu te trouves. Qui disent que nous, on va pas faire, on va pas aller. Moi, je vais pas aller, tu vas aller. Je pose la question. Tu vois que même si tu veux aller, déjà, le fait que l'ami ne veut pas aller, tu vois que, ok, moi aussi, je peux rester. Moi, je ne vais pas donner ma vie à Dieu. Les gens là de Lighthouse là nous gênent trop. Et alors que ton ami dit ça, alors que dans ton cœur, au fond de ton cœur, toi, tu veux donner ta vie. Au fond de ton cœur, tu veux servir Dieu. Au fond de ton cœur, tu veux obéir à Dieu. Mais parce que l'ami, fais attention à celui qui est autour de toi. Si la personne ne t'influence pas positivement, attention. Wow. Unanimement, tout le monde donne des excuses. Alléluia. Et dans cette vie, on a beaucoup d'excuses légales. Ou bien? Beaucoup d'excuses légales. C'est qu'on a besoin d'anakazo biazo. Anakazo biazo. Anakazo biazo. Parce que les excuses sont légales. Alléluia. Si la personne dit, je suis fatigué, est-ce que c'est pas légal? Ou bien? C'est pas légal. C'est légal. Oh, j'ai pas dormi tôt, hier. C'est légal. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, fais attention dans le groupe dans lequel tu te trouves. Ce que le groupe dit. Fais attention, sinon tu seras dans un endroit où tu ne vas pas aimer. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le premier a dit? L'homme d'Anakazo surmonte les excuses. Qu'est-ce que le premier a dit? Le premier a dit quoi? J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Le champ dans la nuit. Tu as acheté le champ dans la journée, mais le temps d'aller comment on dit? La fête, le temps de fête la nuit-là, tu veux aller voir le champ. Une autre personne, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. La nuit. Toute la nuit. Et un autre vient, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Tu viens de te marier et puis on t'invite à quoi? À la fête, non, à la fête. Ou bien, tu prends ta femme, non? Les filles, lorsqu'il y a la fête là, c'est pas le temps où on veut aller. On veut aller se montrer qu'on est marié. Et puis on marche et puis on fait la main comme ça. Pour montrer la barbe. L'homme veut aller montrer sa belle femme. Ou bien, le temps de la fête. Mais c'est le moment où les gens donnent des excuses. Donc, la Bible nous montre ici que les excuses que les gens donnent pour servir Dieu, ce n'est pas de bonnes excuses. Ce sont des excuses vides. Moi, je dis vraiment vides. Il n'y a rien dedans. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu ne peux pas venir. Alléluia. C'est pas vrai que tu ne peux pas venir à l'église dimanche matin. C'est pas vrai que tu ne peux pas donner une offrande. C'est pas vrai parce que l'argent, tu as fait des bêtises. Tu fais des trucs inutiles. Mais pour donner Dieu, tu as une excuse. Yeah. Yeah. Venir servir Dieu pour ton âme, pour Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la vie. Tu es ici ce matin, tu peux marcher, tu peux voir avec les yeux. Tu peux parler avec ta bouche. Tu peux manger. Il y a des gens qui veulent manger la nourriture, mais ne peuvent pas manger. Dieu là, tu as une excuse pour dire que non, je ne peux pas. Tu ne connais pas la gravité de ce que tu es en train de dire. Dieu qui t'a créé. Tu es ici à cause de Dieu. Yeah. Beaucoup de personnes veulent être dans ton état, mais non pas. Beaucoup de personnes veulent. Yeah, d'accord. Tu peux chanter, tu ne veux pas chanter. Tu sais qui t'a donné la voix? Hein? Donc, nous devons tous devenir anakazo parce que on a des choses, des excuses sont là. Il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire. Yeah, je peux te donner 100 raisons aujourd'hui pour lesquelles je ne peux pas venir à l'église ce matin. Si tu viens maintenant, je peux te donner 100 raisons légal. Tu vas au pasteur, donc pourquoi tu es ici? Tu me dis, ah pasteur, donc pourquoi tu es ici? Yeah. Tout le monde a une raison pour laquelle on ne peut pas faire. Mais l'homme d'Anakado de Biazo n'est pas gêné, n'est pas influencé par ses excuses, ses raisons. Tu as des raisons. Regarde ton voisin, il a des raisons. Tu crois que c'est toi seul? C'est pas toi seul. C'est pas toi seul. C'est pas toi seul. Ah. Est-ce que vous comprenez? Parfois, je viens à l'église, le carburant est fini, il y a rouge. L'indicateur rouge indique, mais j'ai garé ici. J'ai pas d'argent pour acheter. Ah. Parfois, j'ai pas d'argent. Vous parlez que le pasteur, là, lui, il est comme ça. Il nage dans l'argent, non? C'est comme je nage dans l'argent. Hein? Non! Si tu n'as pas d'argent, moi aussi j'ai pas d'argent. Si on veut regarder ces choses, on va pas servir Dieu. Je conduis, lorsque j'arrive, je vais à une vitesse, parce que normalement, ça dépasse 90 km par heure. La consommation augmente. Donc, je fais 85, 60, 50. Oh, je n'ai rien à faire. Je conduis doucement pour que... Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est comme c'est toi seul qui a ça. C'est pas toi seul. Mais nous savons que c'est Dieu. Nous voulons servir Dieu. C'est plus important. Il y a un avocat, à l'âge de 39 ans, il était sur le lit de Hollywood. Le jour-là, le dernier jour, dernières heures de sa vie, il était mal à la fin de sa vie. Il a dit, Seigneur, est-ce que le Seigneur me guérit sur cette nuit-là, ce lit-là? Si même je dois laisser ma profession pour le servir, je vais le faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu n'es pas à la fin de ta vie, tu penses que, oh non, Dieu là, ok, on va faire tout. Lorsqu'on finit tout là, on va venir. On a un temps pour. On n'a pas un temps. À la fin de ta vie, tu vas avoir que ton diplôme. Ton école là, c'est rien. Ton papier, personne ne peut même l'utiliser. C'est pourquoi lorsque tu es en train de chercher un diplôme, tu dois aussi penser à Dieu. Parce qu'à la fin, le mariage, le château, l'or, et quoi? La voiture, la maison, quoi encore? Ta femme vient, ton mari, tes enfants, c'est pourquoi dit que Dieu dit que tu aimes tes enfants, tes parents, ta soeur, ta mère, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. C'est Dieu qui a institué le mariage. Parce que à la fin de ta vie, ces choses ne sont plus importantes. Ces choses ne sont plus importantes. L'argent, tu as l'argent dans la banque, c'est plus important. Tu vois que l'argent ne peut même pas t'acheter ta vie. Payer pour sauver ta vie. Donc nous sommes jeunes. La Bible dit que chercher le Seigneur dans la jeunesse. Tu veux un diplôme, tu veux être ingénieur, tu veux être comptable, tu veux être quoi, avocat. Cherche aussi, ajoute Dieu. Ne laisse pas les excuses, les raisons ne sont pas importantes. Les gens, je me rappelle, il y avait une fille là, une fille qui était dans l'église, elle était dans le groupe de danse, elle danse très bien. Et puis un gars, il n'était même pas marié à la fille. Le gars l'a fermé dans la chambre. On est allé là-bas taper, elle a dit non, tu ne peux pas avoir la fille. Il a dit, ah, moi, j'étais étonné. Et il a dit, les francophones, là, vous êtes forts. Au moins, le Ghanéen, la courtoisie, a dit, ok, là, il va venir te voir. Yeah. La première fois, j'étais choqué. Il dit, non, elle est là, mais elle ne peut pas. Elle ne veut même pas que la fille réponde au pasteur qui est à la porte. Yeah. Fermez-le, elles ne sont pas sorties. Tu vas voir, à la fin de ta vie, tu vas être inutile. Inutile. Yeah. Inutile. Wow. Est-ce qu'on peut être en acaso? On va s'efforcer à entrer dans le royaume. Yeah. Et s'efforcer. Oh. Nous, on a marché à la maison jusqu'à Kolebou. Nous dansons à Kolebou. On a marché de Kolebou à la maison. Parfois, on va marcher, on sait que bon, l'argent là, d'ici à Kwetema, l'argent suffit juste à arriver avec le trottoir, juste sur le pont. Donc, on va plutôt marcher jusqu'au pont, et puis on prend le trottoir, on va à Kwetema. Et ça même. Si tu ne t'efforces pas, tu ne vas pas servir Dieu. Tu as beaucoup de raisons. J'ai pas d'argent, j'ai pas ça, j'ai pas mangé. Ok, c'est là, je suis fatigué, j'ai pas dormi, j'ai dormi tard, j'ai fait là, j'ai l'école, je dois apprendre, je vais à l'école. Tout ça là, tout le monde a une raison. Moi, je travaille, je dis que vous, étudiants, vous avez beaucoup de temps libre. Lorsque tu commences à travailler, tu vas voir. Parce que j'étais dans ton cas comme étudiant. Après, j'ai réalisé que, ah, le temps de l'école, là, j'avais beaucoup de temps. Yeah. Et de plus tu grandis, de plus tu n'as pas de temps. Yeah. De plus tu grandis. Hier, je disais à ma femme que si samedi, je ne me repose pas, toute la semaine, je ne me suis pas reposé. C'est comme toute la semaine, j'ai pas trouvé un temps pour me reposer. Yeah. Parce que toute la semaine, j'arrivais à la maison, ah, je me dormais après 23 heures. Et puis samedi, hier, j'ai voyagé. J'ai fait 2 heures de temps d'Accra et puis je suis revenu dans l'après-midi. Et aujourd'hui, je suis là ce matin. Donc, je peux te donner 100 raisons pour lesquelles je ne peux pas être ici. Donc, si tu veux voir des raisons pour lesquelles tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas venir à l'église dimanche. Tout le monde est dans le cas. C'est pas toi seul. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu me donnes, à partir de tu me donnes une excuse, tu sais que c'est vide. C'est vide. Pourquoi tu ne peux pas venir à l'église? C'est vide. J'ai dormi tard. Je me suis réveillé tôt. J'ai fait seulement 2 heures de sommeil et je suis ici. Donc toi, tu dis, oh, j'ai pas dormi tard, donc je me suis pas levé tôt. Ma soeur, mon frère, la vie là, c'est un akazo et biasmo. Te forcer. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu a subi beaucoup de violence. Et sont les violents qui s'en emparent. Levez-vous, s'il vous plaît. Yeah. Ne laisse pas les excuses pour servir Dieu, pour donner ta vie à Dieu. Tu veux donner des excuses? Ma soeur, tu es en train d'aller dans l'enfer, tu ne sais pas. Ah, tu ne vas pas aller au ciel. Waouh! Ah, ferme les yeux, lève les mains. Prie ce matin. Depuis le temps de Jean-Baptiste, tu veux dire, Seigneur, je veux être violent pour le royaume. Je veux être violent pour mon âme, pour ma vie chrétienne. Je veux surmonter toutes les excuses. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, prier, Seigneur? Donne-moi cette grâce de pouvoir surmonter toute excuse, toute raison. Parce que tout le monde a des raisons. Je ne suis pas seul. Mais il y a d'autres qui arrivent à te servir. Moi aussi, je veux le faire. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cet esprit d'anakazo qui dit que c'est possible, je peux le faire. C'est possible, je peux y arriver. Je peux réussir comme les autres. Je peux ne pas pécher comme les autres. Je peux ne pas faire des bêtises comme les autres. Parce que les autres utilisent anakazo et biazo. Moi aussi, je veux être violent. Prie ce matin. Le Seigneur va te donner cet esprit. Le Seigneur va changer le cœur de timidité, le cœur de faiblesse et de paresse. Le Seigneur va remplacer ça avec un esprit de force, un esprit de violence pour son royaume, un esprit d'anakazo et de biazo. Seigneur, merci ce matin. Merci. Merci. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus de raison. On va te servir à tout prix. On va nous efforcer, on va s'efforcer pour te servir. On va s'efforcer pour prier. Lever le matin, prier. Lever le matin, méditer la parole. Lever le matin, mémoriser. Je veux utiliser la force pour te servir. Je veux utiliser la force pour ne pas forniquer. Je veux utiliser la force, oh Seigneur, pour ne pas pécher. Seigneur, parce que l'enfer est là. Je ne veux pas aller dans l'enfer. Je veux te servir. Oh Seigneur, je veux utiliser anakazo biazo pour réussir à ma formation, à mes études, à l'examen, Seigneur. Si les autres ont réussi, moi aussi, je veux utiliser Piazo. Je veux me forcer pour entrer et faire partie des gens qui ont réussi. Les gens qui ont réussi. Je veux utiliser Anakazo. Piazo. Oh, Seigneur, merci. Oh, merci. Ce matin, je comprends que depuis le temps de Jean-Baptiste, sont la violence des violents qui s'en emparent du royaume. Oh Seigneur, qui s'approprient, qui entrent dans le royaume, qui entrent dans ta bénédiction, qui reçoivent ta bénédiction, ceux qui s'efforcent. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je veux m'efforcer. Je ne veux pas rester dans la faiblesse. Dis que c'est pas possible. Oh Seigneur, l'homme dans la carte dit c'est possible. L'homme dans la carte dit que c'est possible. Je peux le faire. Je peux y arriver. Selon Philippiens 4, verset 13. Oh, je puis tout par celui qui me fortifie. À partir d'aujourd'hui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est toi qui me fortifie. Oh Seigneur, je peux le faire. Je peux y arriver. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. J'ai un bon futur. J'ai un bon futur. Oh, qui dit que je vais échouer? Qui dit? Je suis dans la famille de Dieu. Je suis différent. Même si ma famille n'a pas réussi, moi je vais réussir. Si mon grand-père n'a pas réussi, pas Anakazo, pas Biazo, oh, pas Philippiens 4, verset 13, je peux y arriver. Je vais réussir. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci ce matin. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Oh. Merci. Oh Seigneur. Merci. Merci. Je vois les cœurs changer. Je vois les vies changer. Je vois l'attitude changer. Maintenant, tu as de la force. Tu peux le faire parce que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus, ta vie a changé depuis ce matin. Ta vie change depuis ce matin. Ta vie change depuis ce matin. Cette faiblesse qui te rend paresseux. Ta vie, tu es faible et tu n'arrives pas à faire certaines choses. À partir d'aujourd'hui, c'est changé. C'est changé. C'est changé. C'est changé. Au nom de Jésus, si tu crois avec moi, c'est changé. Si tu crois avec moi, c'est changé. Ta vie a commencé à changer. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus faible. Tu es fort. Tu es fort. Tu as la force de Dieu. Tu as la force divine. Oh, qui vient d'en haut. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Seigneur, merci. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Et avant de s'asseoir, je veux prier pour vous. Si tu es là, tu n'as même pas reçu le Seigneur comme ton sauveur. Et la Bible dit, ceux qui n'ont pas le salut ne peuvent voir le royaume de Dieu. Ce matin, tu as écouté la parole. Tu réalises que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ta parole. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas une relation avec le Seigneur. Une relation personnelle. Avec que lorsque tu crois que Jésus est le sauveur et tu le confesses, tu as le salut. Les yeux fermés, tout le monde, fermez les yeux, fermez les yeux. C'est un moment important, fermez les yeux. Je veux que tu te poses la question, est-ce que tu t'examines, voir si tu es dans la foi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Même ça, tu as besoin de la force pour te forcer à servir Dieu. Ce matin, tu dis, Seigneur, je vais prendre cette décision de te suivre. Je vais prendre cette décision de te servir. Je vais avoir une relation personnelle avec toi. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je vais prier avant de partir. Avant de partir, tu vas lever la main. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux commencer une relation personnelle avec Dieu ce matin. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je vais prier avec toi avant de partir. Avant de partir. Qui a levé la main? Est-ce que tu peux lever la main haut? Je veux voir la main très haut. Tu veux servir? Lève la main très haut. Merci. Non, c'est toi. Tu veux lever la main? Lève la main. Lève la main. Merci. Merci. Merci. Je vois la main. Je vois la main. Toi aussi, tu veux lever la main. Je vais prier avec toi avant de partir. Tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que tu prennes contrôle de ma vie. Et je vais commencer une relation avec toi. Si tu es là, lève la main. On va de partout. Lève la main. Tu veux briser tout lien que tu as tissé avec le diable. Tu as fait des bêtises. Mais le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il veut toujours. Il veut de toi toujours. Il veut de toi toujours. C'est le moment. C'est le moment. Lève la main. Avant de partir. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir, ma soeur? Viens. Ma soeur, viens. Tu as levé la main. Tu n'as pas levé la main. Oh, tu n'as pas levé la main. Personne n'a levé la main. Personne. Personne. Ne rentre pas à la maison sans le salut. Ne rentre pas. Ne rentre pas à la maison sans le salut. Je ne sais pas pourquoi tu es. C'est pas par hasard que tu es là. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tu es là ce matin. C'est pas par hasard. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Tout le monde répète après moi. Dis Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin. Seigneur, merci que j'ai reçu la force de réussir, la force d'entrer dans ta bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton salut. Merci Seigneur. Je sais, je confesse, je crois que le Seigneur Jésus est le Sauveur et je le servirai le reste de ma vie. Je prie pour la grâce de pouvoir te servir. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Ta présence en moi. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à Belimpe, non loin du Trottoir Station, en face de Shriga Hostel. Ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30 pour une rencontre qui va changer votre vie pour le meilleur. Aimez notre page Facebook LCI, la belle église à Belimpe, pour plus de messages. Soyez bénis.